si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu malgré tout me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux. C'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a tout l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou en souvenir de toi cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.